Ce message est aux yeux du roi l'occasion pour Laërte de prouver qu'il veut venger la mort de son père Polonius, tué par Hamlet. Hamlet, en revenant, apprendra que vous êtes de retour, Laërte. Nous lui enverrons des gens qui vanteront votre supériorité. Nous vous mettrons face à face et nous ferons des paris sur vos têtes. Lui qui est confiant, très généreux et dénué de tout calcul, n'examinera pas les fleurets. Vous pourrez donc aisément, avec un peu de prestesse, choisir une épée non mouchetée et, par une passe à vous connue, venger sur lui votre père. Je ferai cela. Et dans ce dessein, j'empoisonnerai mon épée. J'ai acheté un charlatan, une drogue si meurtrière que pour peu qu'on y trempe un couteau, une fois que le sang a coulé, le cataplasme le plus rare, composé de tous les simples qui ont quelques vertus sous la lune, ne pourrait pas sauver de la mort l'être le plus légèrement égratigné. Je tremperai ma pointe dans ce poison. Et pour peu que je l'écorche, c'est la mort. Le roi. Réfléchissons-y encore. Pesons bien. Et quant au temps et quant aux moyens, ce qui peut convenir le plus à notre plan. Si celui-ci devait échouer, et qu'une mauvaise exécution laisse savoir notre dessein, mieux vaudrait n'avoir rien tenté. Il faut donc que nous ayons un projet de rechange qui puisse servir au cas où le premier ferait long feu. Doucement. Voyons. Nous établirons un pari solennel sur les coups portés. J'y suis. Quand l'exercice vous aura échauffé et altéré, et dans ce but, vous ferez vos attaques les plus violentes, il demandera à boire. J'aurai préparé un calice tout exprès. Une gorgée seulement, et si, par hasard, il a échappé à votre lame empoisonnée, notre but est encore atteint.